Et je suis ma weed, ouais toute l'année. C'est une queen, pourtant elle me suce la bite. Il me faut des lovés, il me faut de la pif. Y'a qui pour me sauver, où est le Christ? Je sais pas ce qu'elle s'imagine. La couverture des magazines. Au début c'était comme un film. J'aurais pu finir dans l'Asie. Je dois vivre pendu dans le vide. Accroché au rideau. Trahi par mes rides. Qui reflète mon esprit. Là je fume ma weed. Sans réfléchir. C'est sans réfléchir. La pente est raide mais je suis une pierre. Qui roule, qui roule, qui roule, qui roule. Je suis triste mais je vous dis que ça roule. Ça roule, ouais ça roule. Ça roule tout le monde veut le premier rôle. Je sais pas si j'ai les épaules. J'étais pas très bon à l'école. Et rien que ça tease et que ça déconne. Et son gros cul m'a rendu fou. Et c'est moi qui l'ai rendu folle. Et j'en ai oublié le sommet. Je ne vois plus le soleil. On se fait du mal. Y'a des nuages à l'horizon. Je me sens con. Je me remets en question. Tu m'as menti sans pression. Quelque part ça m'impressionne. Y'a plus d'encre à l'impression. Et tous ces mots qu'on emprisonne. Tous ces mots qu'on emprisonne. Tous ces mots qu'on emprisonne. Et je suis ma weed toute la nuit. Ouais c'est une green. Pourtant elle me suce la bite. Il me faut des lovés. Il me faut de la pif. Y'a qui pour me sauver? Où est le Christ? Ce soir je vais la soulever comme une actrice. Si t'as la santé, pourquoi t'es triste? J't'ai déjà dit d'arrêter. Pourquoi t'insistes? Trop de fois je me suis demandé pourquoi j'existe. Et je sais pas ce qu'elle s'imagine. La couverture des magazines. Au début c'était comme un film. J'aurais pu finir à la vie. Mais je dois vivre pendu dans le vide. Accroché au rideau. Trahi par mes rides. Qui reflète mon esprit.